Me parle pas de la ligne du succès, je l'ai dépassé depuis longtemps. A chaque nouveau son plus de haters, je les guette pas, j'ai plus leur temps. Je montais sur des plans pour faire du paper, souvent j'enfilais les gants. Désormais j'ai plus le temps, désormais j'ai plus le temps. C'est fini, je dois faire augmenter le montant. Je monte sur un plat où j'enfile les gants. C'est fini, je dois faire augmenter le montant. Je monte sur un plat où j'enfile les gants. C'est fini, je dois faire augmenter le montant. Je monte sur un plat où j'enfile les gants. C'est fini, c'est fini, c'est fini, je dois faire augmenter le montant. Je me méfie, désormais je fais plus confiance à mes proches, j'ai confiance en mes ennemis. Tu connais, j'ai même plus de soucis à me faire depuis que j'ai un MI2LI. J'ai pas pu l'éviter, moi c'est trop vie, j'ai pas choisi. J'ai des mauvaises idées, mais quand je me parle, j'ai du mal à choisir. Zéro CLM, j'ai tout caché dans le paquet de CML. Des frères enfermés qui t'envoient en IML, mais je fais quand même des Doha pour la DML. Mercedes, noir CLS, j'assure la livraison comme GLS. Entreprise MNM, connue comme BMF. Ça date pas d'hier qu'on a le BRL. Quand je rentre dans la boîte, ça lance les confettis. Ce soir, je prends 20 gars sans faire d'effort physique. Un but non lucratif, on a les mains dans le bise. Officio, je fais la bise, il a senti le fric. Y'a deux ans, je me voyais même pas là. Je me voyais vendre des 12 et les keufs à mes trousses. Mais maintenant, je vais bouger la cigale. Oh putain, guette, ma vie est devenue géniale. Me parle pas de la ligne du succès, je l'ai dépassé depuis longtemps. A chaque nouveau son, plus de haters, je les guette pas, j'ai plus leur temps. Je montais sur des plans pour faire du paper. Souvent, j'enfilais les gants. Désormais j'ai plus le temps. Désormais j'ai plus le temps. C'est fini, je dois faire augmenter le montant. Je monte sur un plafond, j'enfile les gants. C'est fini, je dois faire augmenter le montant. Je monte sur un plafond, j'enfile les gants. C'est fini, je dois faire augmenter le montant. Je monte sur un plafond, j'enfile les gants. C'est fini, c'est fini. C'est fini, je dois faire augmenter le montant. C'est le travail qui paye, pas la chance. Matin, midi, soir, on charbonne sans récupérer. On avance, j'ai oublié ma vie d'avant. J'crête de cacher Christian Dior. Et tu sais que ça fait pas mal à la poche. Mon ex me dit je t'aime encore. Mais c'est mort pour elle, elle a loupé le coche. J'enchaîne la 45 AMG. Frisson dans le corps quand j'appuie sur planche à mort. Le moteur fait trembler les passagers. J'ai des armes qui s'arrêtent pas, qui viennent de la corde. J'fais une plonge en motorsport. Maxi qui stage. Je revends plus de mort. Comme un capos, ma lame transperce son corps. J'aime trop quand ça pull up, ça laisse pour mort. Y'a de la bitches, de l'oseille. Donc j'ai pris full de champagne. Mélange noir calé dans la vitelle. J'ai presque fini la bouteille. Et regarde, j'en suis où, j'ai une équipe de fous. Seul je peux me les enlever, allez niquer vos couilles. J'ai la cahier, j'ai rangé mon cœur dans ma fouille. C'est pas ma famille qui m'a fait pousser des couilles. Le bandage aligne du succès, je l'ai dépassé depuis longtemps. A chaque nouveau sont plus de haters. Je les guette pas, j'ai plus leur temps. Je montais sur des plans pour faire du paper. Souvent j'enfilais les gants. Désormais j'ai plus le temps. Désormais j'ai plus le temps. C'est fini, je dois faire augmenter le montant. Je monte sur un plafond, j'enfile les gants. C'est fini, je dois faire augmenter le montant. Je monte sur un plafond, j'enfile les gants. C'est fini, je dois faire augmenter le montant. Je monte sur un plafond, j'enfile les gants. C'est fini, c'est fini. C'est fini, je dois faire augmenter le montant.